السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وكان عليكم رقيبا. يا أيها الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمال لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جميعا وبياكم en cette soirée du mercredi 23 Jumad al-Ula 1429, c'est-à-dire le mercredi 28, le mercredi 28 mai 2008 bi'idhna azza wa jalla. Nous sommes toujours dans l'aqida al-wasitiyya. Nous sommes inshallah ta'ala dans le 11e cours du 2e tome. Nous sommes maintenant avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été attestés dans des hadiths authentiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Le dernier attribut où on s'était arrêté, on parlait de la main d'Allah Azza wa Jal. On parlait de la main d'Allah Azza wa Jal. Avant cela, juste une petite remarque. Je demande à ceux qui sont dérangés, d'envoyer un message. À, par exemple, si ce sont des sœurs, ils envoient à Minhajul Haq. S'il y a des gens qui vous dérangent, que ce soit ils vous dérangent pour vous inviter dans d'autres salons, pour aller dans le minhaj égaré, ou bien il vous dérange en disant des choses qui ne sont pas bien. Al-Muhim, je demande aussi à ceux qui n'ont pas de point rouge de ne pas inshallah ta'ala mettre de lien, car le lien il va laisser le dos et rentrer dans le lien, il va naviguer dans le lien et ça va le déclencher, concentré بإذن عز وجل. نعم, je disais, on parlait de la main d'Allah عز وجل, comme c'est dans le Coran et dans la Sunna. نعم, donc on va refaire une petite révision et ensuite on va commencer le nouveau بإذن عز وجل, petit sous-chapitre. Dans le premier sous-chapitre, on va parler ce qu'a dit Allah عز وجل et son messager les salaf salih en ce qui concerne la main d'Allah Azza wa Jal. Dans le deuxième petit chapitre, on va montrer que les Habèches qui prétendent suivre Abu Hanifa, on va montrer qu'ils ne suivent pas Abu Hanifa. Dans le troisième chapitre, on va montrer que c'est Abu Hassan al-Ash'ari. Quatrièmement, on va montrer aussi que les Habèches qui prétendent avoir une fatwa de l'Azhar qui leur permet le juste, on va montrer que ceci n'est pas vrai et que l'Azhar, l'université de l'Azhar de l'Égypte, se désavoue des Habèches. Et petit cinquièmement, enfin, on va dire ce que disent les grands savants sur cette secte. Que disent les grands savants? Qu'a dit Allah Azza wa Jal et son messager et les salaf sur les mains d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal Ta'ala a dit dans le Coran, en parlant à Iblis, le shaitan, il lui a dit: Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Naam, ceux qui ont le verset en français, ils peuvent mettre la traduction en français. Naam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu. بيدي. J'ai oublié de donner le numéro du verset. Naam, une seconde, je vous cherche le verset, inshallah ta'ala. Naam, je vous donne son numéro. Sourate Sad, verset 75. Je vais profiter, moi, ici, inshallah ta'ala, pour décrire aussi. Pour décrire. Ah, pardon, subhanallah, il est écrit chez moi. Subhanallah, il est écrit, Sourate Sad, page 75. Mais Sad, j'ai pas écrit Sad, j'ai écrit seulement la lettre Sad. Et maintenant, j'ai cru que ça voulait dire la page. J'ai cru page 75, donc Sad. Non, soit Sad, page 75. Taïeb, donc, à ce que j'ai créé de mes deux mains, à ce que j'ai créé de mes deux mains. Et les Habesh qui disent que la main d'Allah Ta'ala, c'est la puissance, et ce n'est pas la vraie main, c'est pas la main qui lui convient à Azzawajal. Non. Donc, attendez, je ne sais pas si vous êtes avec moi ou pas. Je ne vois pas là, le salon. Une seconde, Inch'Allah. Taïeb, Abdul Qayyim, vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah, car je ne voyais pas le salon devant moi. Je disais que les Habesh qui disent que la main d'Allah Ta'ala, c'est la puissance. Naam. C'est difficile. Pour eux, ce verset est difficile pour eux. Pourquoi? Parce qu'il leur brise le dos. Le verset a cité quoi? A cité le Musanna. Musanna, c'est deux. Il a dit biyadaya. En arabe, ça donne pourquoi tu t'es pas prosterné à mes deux puissances. Or, ça peut pas marcher. Ça marche pas. Non, ça peut pas marcher deux puissances. Il n'y a pas deux puissances. Non. Et si, non, si la main ici dans le verset c'était la puissance, alors Iblis, non, Iblis, qu'est-ce qu'il peut faire? Iblis, il pourra dire à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi, ya Allah, vous me demandez de me prosterner à quelqu'un en me disant que vous l'avez créé votre puissance, yani qu'il a cette particularité, alors que nous tous on a été créés par votre puissance. Non. Alors le shaitan aurait quoi? Il a la particularité d'avoir été créé par votre puissance. Nous tous on a été créés par votre puissance. C'est les premières. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, non, il a dit dans un verset aussi, en parlant des juifs, Maïda 64. Maïda 64. Allah Ta'ala, en parlant de juifs, en parlant des juifs, il a dit que les juifs ont dit la main d'Allah est fermée. Allah Ta'ala leur a répondu que leur propre main soit fermée et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Naam. Maïda 64. Sont pliées. Les mains d'Allah Ta'ala sont fermées. C'est ça le défaut qu'ils ont ajouté. Sinon, ils ont reconnu. Car on ne peut pas dire des mains. On ne peut pas dire des mains de quelqu'un. Qu'elles sont fermées s'il n'a pas de main. Non, moi je ne peux pas dire de ma voiture qu'elle est en panne si je n'ai pas de voiture. Il faut d'abord avoir une voiture, ensuite dire elle est en panne. Je ne peux pas dire de quelqu'un qu'il a mal à la tête, non, si ce quelqu'un n'existe pas, ou il n'a pas de tête. Il faut d'abord qu'il ait une tête, ensuite je dis il a mal à la tête. Comme ça on dit les juifs, ils ont dit la main d'Allah est fermée. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, il distribue ses dons comme il veut. Non. C'est pour ça que vous allez voir dans un hadith qui va venir. يعني ce qui confirme que les juifs savent que Allah subhanahu wa ta'ala a une main. Naam. Le hadith qui va venir où c'est dit que un juif est allé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une seconde. طيب. J'ai pas le hadith ici devant moi. Voilà le hadith. Ja'a yahoudiyun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un juif est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: Ya Muhammad, inna Allah yumsiku as-samawati ala isba'. Ô Muhammad, Allah Ta'ala prendra le jour du jugement dernier prend maintenant les cieux sur un doigt et les terres sur un doigt et les montagnes sur un doigt, parce que il a fait montrer ses mots. Ensuite il a dit ensuite il a lu le verset qui dit ils n'ont pas surestimé Allah Ta'ala comme il fallait le surestimer. Pourquoi? Parce que le messager de voulait dire comment se fait-il, vous avez de la science au point de connaître que Allah Ta'ala a des doigts, donc des mains, et vous ne l'adorez pas. Ce hadith se trouve dans le Bandien et Sahih Ibn Hibban 7449 et Sunan Tirmidhi 3162 et Sahih Tirmidhi de Sheikh Al-Albani 5371. Donc ce juif, subhanallah al-azim, les juifs savent que Allah Ta'ala a la main et que la main d'Allah Azza wa Jal a de beaux doigts qui lui conviennent, Allah Azza wa Jal. Non pas comme nos mains ni comme nos doigts, ça c'est pas la fin de le dire. Je vais revenir sur la règle que vous connaissez, vous avez entendu de moi depuis des années maintenant, alhamdoulilah. C'est pas la peine de vous dire à chaque fois que rien ne ressemble à Allah et Allah Ta'ala ne ressemble à rien. Al-Muhim, maintenant, puisque les juifs connaissent Allah subhanahu wa ta'ala et attestent ses attributs mieux que les Habèches, donc en ce sens, ils sont dans les attributs d'Allah, ils sont mieux que les Habèches. C'est pour ça que si jamais vous devez aller chercher un appartement par exemple, ensuite celui qui va vous louer l'appartement, par exemple l'agence, celui de l'agence immobilière, il va vous faire choisir. Il va vous dire j'ai un bel appartement, mais votre voisin sera un juif. Et j'ai un bel appartement, et votre voisin sera d'Allah Ta'ala. Si jamais vous vous parlez, vous vous entendrez, mais le Habashi n'atteste pas les attributs d'Allah Azza wa Jalla, sauf les sept qui, si on ne les atteste pas, on devient kafir. Pourquoi il faut choisir le juif? Pourquoi il faut choisir le voisinage du juif et pas celui du Habashi? Parce que les Habashis sont connus pour être très violents, pour tuer des gens, les frapper, leur briser le dos, comme vous allez l'entendre tout à l'heure. Naam. Alors que le juif, il te dit laisse-moi tranquille et je te laisse tranquille. Naam. On revient inchallah ta'ala à notre cours. Maintenant, quels sont les hadiths qui attestent que Allah subhanahu wa ta'ala a deux belles mains? Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, yadullahi mal'a saha al-layla wa nahar, a dit que la main d'Allah azza wa jal mal'a était pleine de quoi? Pleine de bien. Ce hadith, bien sûr, a été rapporté par Muslim. Dans son sahih. Il a dit la main d'Allah est pleine. Pleine de quoi? Pleine de bien. Et il a dit saha. Ça veut dire et Allah Azza wa Jal donne. Ce n'est pas seulement il a des biens, il ne donne pas. Parce qu'on peut avoir des choses dans la main et ne pas les donner. Comme on peut, on veut donner et on n'a rien dans la main. Mais le prophète alayhi salam a décrit Allah Ta'ala comme ayant ces deux qualités dans sa main, c'est-à-dire sa main a des choses et en même temps il donne, et en même temps il donne. Maintenant on va citer un autre hadith, on va citer un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna allaha hina khalaqa al-khalq kataba bi yadihi ala nafsihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah Ta'ala a créé les créatures, il a écrit avec sa main. Écoutez bien, il a écrit avec sa main, pas avec sa puissance, comme disent les Habash. Il a écrit avec sa main, ala nafsihi, c'est-à-dire c'est lui qui a voulu écrire, personne ne l'a forcé. Il a écrit quoi? Inna rahmati, ma miséricorde, vint du verbe vaincre, vint ma radabi, ma colère. Non. Donc Ta'ala, quand il a créé les créatures, a écrit avec sa main que quoi? Que ma miséricorde vaincra ma colère. C'est un hadith qui se trouve dans Tirmidhi, 11452, et Sunan Ibn Majah 12351, et Musnad Ahmed 19268, et Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani 1755. Regardez dans l'autre hadith qui vient pour que tu sois sûr que c'est une main, c'est pas la puissance. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي هريرة رضي جي écouté, j'ai entendu le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام dire إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. إن الله تعالى a écrit un livre avant de créer les créatures. إن رحمتي, ma miséricorde vaincra ma quoi, ma colère. Qu'est-ce qu'il a dit ici dans ce hadith? Il a dit il a écrit un livre. نعم. Car tout à l'heure, quand j'ai dit Kataba biyadihi, il a écrit avec sa main, les autres vont dire il a, c'est sa puissance. Maintenant, il a écrit un livre. Et un livre ne s'écrit pas avec la puissance. Donc ce hadith contient le mot livre. Le livre s'écrit avec la main. Pas avec la puissance. Naam. Et ce hadith, et ensuite il a dit Fahuwa maktubun indahu fawq al'arsh. Ce livre se trouve chez Allah Ta'ala écrit au-dessus du trône. Pour les Habash qui disent numéro 6999 et Muslim 4939 et Tirmidhi 3466 et Sunan Ibn Majah 4285. Naam. Ensuite Hadith Hakim Ibn Jabir, Hadith Hakim Ibn Jabir qui se trouve dans le livre de Zahabi Rahimahullah, son livre qui s'appelle l'Ulu, Mukhtasar l'Ulu de Sheikh al-Albani. Naam. Al-Dhahabi, c'est un grand savant, tout le monde le sait, hein? Vous le savez, alhamdoulilah. Eh bien, sachez que les Habash disent, naam, disent de lui, c'est un khabith. Les Habash disent de Al-Dhahabi, rahimahullah, le grand savant, disent de lui, c'est un khabith. Naam. Comme vous allez le voir tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala l'avia. Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Tayyib. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce livre? Hakim ibn Jabir, radiallahu ta'ala, a dit Ukhbirtu anna rabbakum Azza wa Jalla khalaqa Adama biyadih wa kataba at-tawrata biyadih. Il a dit j'ai été informé que votre Seigneur Azza wa Jalla, c'est-à-dire aussi notre Seigneur, a créé Adam avec sa main et il a écrit la Torah avec sa main. Créé Adam avec sa main et a écrit la Torah avec sa main. Naam. Tayyib, autre hadith. Écoutez ce hadith qui va venir bi'idhnillah azza wa jalla. Écoutez ce hadith qui va venir bi'idhnillah azza wa jalla. Inna awwala shay'in khalaqahu Allah azza wa jalla al-qalam. La première des choses que Allah Ta'ala a créé dans ce monde, c'est quoi? C'est le qalam. Il a créé le qalam. Ensuite, le messager d'Allah a dit lorsque Allah Ta'ala a créé la plume, il l'a prise avec sa main droite. Et ses deux mains sont droites. Subhanallah al-Azim. Regardez ce hadith, il est long, mais je vous ai donné son début. Le témoin du Dars, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque Allah Ta'ala a créé cet univers, La première chose qu'il a créée, c'est la plume. Ensuite, il l'a prise avec sa main droite. Dites-moi, est-ce qu'on peut dire il l'a prise, la plume, avec sa puissance? Car le hadith a dit avec sa main droite. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ici c'est la puissance. Donc d'après eux, il a pris la plume avec sa puissance droite. Naam. Une seconde, inshallah. Naam. Il va venir. Écoutez le hadith qui va venir. Lorsque Allah a créé Adam, et il lui a insufflé son âme, il a quoi? Il a éternué. Allah Ta'ala lui a dit, Alhamdulillah, il a dit Alhamdulillah. Allah Ta'ala lui a dit, Yarhamkullah, ya Adam, idhhab ila ulaika al-malaika. Il est le malaï minhum benika. Il lui a dit, ça sera ta salutation et la salutation de tes enfants entre eux. Ensuite, Allah Ta'ala lui a dit, tout en ayant les deux mains fermées, wa yadayh maqbudatayn, ikhtar ayyuhuma shi't, choisis laquelle des deux tu veux. Qala, Adam a répondu, ikhtartu yamina rabbi, j'ai choisi la main droite de mon Seigneur, et les deux mains de mon Seigneur sont la droite. Mubaraka, béni. Ensuite, Allah Ta'ala, summa basata. Ensuite, Allah Ta'ala lui a tendu la main droite. Fa'ida fiha Adam. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa main? Adam et ses enfants. Adam et ses enfants. Subhanallah al-Azim. Est-ce qu'il y a un hadith plus clair que cela? Allah Ta'ala a fermé ses mains. Ensuite, a demandé à Adam de choisir. Ensuite, il a choisi la droite. Les deux mains de Allah Ta'ala sont la droite. Et Allah Ta'ala l'a ouverte. Et il y avait Adam et ses enfants. Où se trouve ce hadith? Peut-être qu'il n'est pas ce hadith. Vous le trouvez. Le messager d'Allah a dit, Atani laylata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Allah Ta'ala m'est venu hier dans sa plus belle image. Sa plus belle image. Naam. Comment qu'il m'est venu? Il m'est venu dans les songes. Faqala ya Muhammad, hal tadri fi ma yahtasimu al-mala' al-a'la? Ô Muhammad, sais-tu pourquoi les anges se disputent? Qultu la. J'ai dit non, je ne sais pas pourquoi les anges sont en train de se disputer. Naam. Faqala Allah Ta'ala, pardon, le messager d'Allah a dit, fa wada'a yadahu baynaka, entre mes seins. Fa alimtu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Alors j'ai su ce qu'il y avait entre les cieux, ou là dans les cieux et dans la terre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'a dit le messager d'Allah? Il a dit, Allah Ta'ala a mis sa main entre mes épaules. Pour les Habesh ça donne, Allah Ta'ala a mis sa puissance entre les épaules du messager d'Allah, au point où le messager d'Allah a senti la froideur de la puissance. Chez les Habesh, la puissance est froide. Ils ont senti la puissance des la froideur de la puissance d'Allah Azzawajal. Allahu Akbar. Où se trouve ce hadith? Sunan Tirmidhi 3157, Musnad Ahmed ibn Hanbal 3304, Sunan Darimi 2204, Musnad Ahmed 3400. Naam, 3400. Le deuxième mousnad, c'est Tahqiq al-Arnaout. C'est pour ça que ce n'est pas le même hadith. Tahqiq al-Arnaout. Et Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, numéro 59. Naam, numéro, hadith numéro 59. J'ai oublié de m'enregistrer, c'est dommage. Et écoutez le hadith qui va. Ils voudront que quelqu'un leur fasse l'intercession. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dire, allons voir Adam alayhi salam, peut-être qu'il va nous faire l'intercession. Quand ils vont aller chez Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire à Adam alayhi salam? Ils vont lui dire wa nafakha fihi min ruhik wa nafakha fika min ruhih, et il t'a insufflé de son âme. Donc qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Oh Adam, tu es le père de l'humanité, c'est toi que Allah Ta'ala a créé de ta main. Naam, de sa belle main. Allah Ta'ala a créé Adam de sa belle main. Quant à nous tous, on a été créé de quoi? On a été créé de par le fait que nos parents, naam, se sont accouplés et ils nous ont donné. Et comme ça. Naam. Quant à Adam alayhi salam, ni père ni mère, mais il a été créé par la main d'Allah Azza wa Jal qui l'a façonné. Subhanallah al-Azim. Hadith Abi Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu. Que quoi? Inna Allah Azza wa Jal yaqulu li ahli al-Jannah. Que Allah Azza wa Jal dira à ahli al-Jannah. Naam. Il y a ahli al-Jannah. Oh, les gens de la Jannah. Qu'est-ce qu'ils vont dire? لبيك ربنا وسعديك. نعم ils vont dire لبيك ربنا. Attendez une seconde, il y a quoi de... نعم nous voilà Seigneur, ils vont dire et reconnaître quand Allah Ta'ala les appelle, ils vont dire nous voilà Seigneur, et ils vont vite dire le bien est dans tes mains. Ils vont pas dire le bien est dans tes puissances, ils ont dit tes deux mains, يديك, le bien est dans tes deux mains. رواه البخاري 7518, رواه مسلم 2819. Naam. Maintenant on va parler un peu des selfs, qu'est-ce qu'ils ont dit. Des selfs, qu'est-ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur la main d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qala imam al-a'imma Ibn Khuzaymah fi kitab tawhid 118. باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا. نعم شابيتر que الله تعالى a une main. الله عز وجل a la main عز وجل. Comme il nous a appris cela dans son Coran. Ensuite وسرد جملة من آيات التي تدل على ذلك. Il a cité des versets, نعم, qui montrent que الله تعالى a deux mains. Ensuite ثم قال باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله عز وجل. Et ensuite, il a commencé à donner les dalils de la sunna qui montre quoi? Qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala a les mains بإذن الله عز وجل. نعم. وقال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث صفحة 51 page 51 وخلق آدم عليه السلام بيده. Allah Ta'ala a créé Adam avec sa main. Wa yadahum mabsutatan, et ses deux mains sont tendues. Yunfiqu kayfa yasha, il dépense comme il veut. Bil i'tiqad kayf, sans demander le comment des mains. Naam, id lam yantiq kitabullah Ta'ala bi kayf, parce que le Coran, dans le Coran, il n'y a pas le comment. Wa qala al-Asbahani fi al-Hujja 185, fasl fi ithbat al-yad lillah sifatun lahu. Naam, la preuve que Allah Ta'ala à l'attribut de la main. Ensuite, il a cité les versets qui montrent cela. Allez-y, page 1, page 185, tome 1. Al-Hujja al-Asbahani. Ensuite, il a dit Dhikrul bayan min sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ithbati al-yad muwafiqan lit-tanzil. Les preuves de la sunna que Allah Ta'ala a une main, comme c'est aussi cité dans le Coran. Ensuite, il a cité les hadiths. وقال شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام ابن تيمية écoutez ce qu'il a dit. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى 6263 إن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله كما يليق بجلاله. Qu'a dit شيخ الإسلام? الله تعالى a deux mains particulières à lui qui lui conviennent عز وجل, qui lui conviennent. Naam. Allah Ta'ala a deux mains, pas comme nos mains. Tout ce qu'il a, on ne l'a pas. Naam. Tout ce qu'on a, il ne l'a pas lui aussi. Rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Naam. Vous pouvez aussi voir au Sul l'i'tiqad lillaka'i, lalaka'i, tome 3, page 412. Écoutez ce qu'a dit Abdullah ibn Omar, sahabi Jalil, Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, écoutez ce qu'il a dit. An Mujahid, qala Abdullah ibn Omar, خلق الله أربعة أشياء بيده. الله عز وجل a créé quatre choses avec quoi? Avec sa main. Allah Ta'ala a créé quatre choses avec sa main. العرش, le trône. والقلم, la plume. وآدم, وآدم. وجنة عدن, جنة عدن, l'Eden. ثُمَّ قَالَ لِسَائِ الْخَلْقِ كُنْ فَكَنْ. Ensuite, il a dit à toutes les autres créatures, soyez, elles ont été. Cheikh Al-Albani a dit, hadithun sahih. Voir Mukhtasar al-Ulu, page 75. Page 75. Naam. Écoutez ce hadith que tout le monde connaît et que les Habash veulent à tort veulent le déformer. Très clair, très clair. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Le messager d'Allah a dit, les cœurs des êtres humains, العباد, les cœurs des serviteurs, sont entre deux doigts, des doigts du Rahman, Rahman Azza wa Jal. يقلبها, il les renverse comme il veut. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne nous renverse pas nos cœurs et qu'il nous laisse sur le minhaj et qu'on ne devienne pas des égarés des habesh. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne renverse pas nos cœurs. Donc il a dit, les cœurs des serviteurs, des êtres humains, sont entre deux doigts d'Allah Azza wa Jalla. 1798, Sunan Tirmidhi 2066, Sunan Ibn Majah 3824, Musnad Ahmed 6281, Zilal al-Jannah li Sheikh al-Albani 233. Subhanallah al-Azim. Regardez le hadith qui va suivre. Allah Ta'ala a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le songe. Il lui a demandé, sais-tu pourquoi se disputent les anges? Il a dit, la adri, je ne sais pas. Il a dit, il a répondu trois fois, il a questionné, j'ai répondu trois fois, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Il a dit, fa'aytu wada, alors Allah subhanahu wa ta'ala a mis, n'am, kaffahu, sa main entre mes épaules, hatta wajadtu barda anamili, jusqu'à ce que j'ai senti la froideur de l'anamide. Vous savez c'est quoi l'anamide? C'est des bouts des doigts. Entre mes seins, entre mes seins, il a dit comme ça, j'ai senti la froideur des doigts d'Allah Azza wa Jalla, de ses bouts entre mes seins. Rawa Tirmidhi 3159, Musnad Ahmed 21093, Mu'ajim al-Kabir li Tabarani 16709, Mishkat li Sheikh li Tibrizi et bien sûr Tahqiq al-Albani 748. Là. Écoutez encore ce que disent les ulamas. Écoutez ce que disent les ulamas. Ils ont dit le Coran, il y a aussi le hadith qui dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي أَدَمْ مِنْ ظُهُرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Al-A'raf 172. Allah Ta'ala a pris du dos de Adam. Du dos de Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essuyé son dos. Masaha bidahare. Ensuite, il a fait sortir sa quoi? Sa progéniture, la progéniture de Adam. Ce verset est expliqué par le hadith que je viens de citer maintenant. Écoutez le hadith qui va venir. Allah subhanahu wa ta'ala va prendre ses cieux et ses terres avec ses deux mains. Ensuite, il va dire An Allah, c'est moi Allah. Wa yaqbidu asabi'a wa yabsutuha et il nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, et j'ai vu, c'est Abdullah ibn Omar qui dit. Il a dit, quand le messager d'Allah a dit que Allah Ta'ala allait prendre les cieux et la terre de ses deux mains, il a dit, j'ai vu le messager d'Allah fermer comme ça sa main et la rouvrir. J'ai vu le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses doigts comme ça pour fermer sa main et il a rouvert sa main. Subhanallah l'Azim. Pour montrer que Allah Ta'ala a des mains. Naam. C'est pas pour dire qu'il a des mains comme ma main. C'est pas comme ça a voulu dire le messager d'Allah, mais a voulu dire naam, Allah Ta'ala a aussi des mains. Comme moi j'ai des mains, Allah Ta'ala a deux mains qui lui conviennent, mais pas comme mes mains. Où se trouve ce hadith? Dans Muslim 2788. 2788. Naam. طيب autre chose. قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة. Ibn al-Qayyim, les Habash disent de Ibn al-Qayyim, c'est un kafir. Qu'a-t-il dit dans Sawa'iq al-Mursala 271? Il a dit وَرَدَ لَفْضُ الْيَدْ فِي الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ وَكَلَمِ الصَّحَابَ وَالتَّابِعِينَ فِي أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ مَوْضِعٍ. Il a dit la main, نعم, que Allah Ta'ala a une main, ça se trouve dans le Coran, la Sunna, et ce qu'on dit les Sahaba, ce qu'on dit les compagnons et leurs enfants, dans plus de 100 endroits. Sans endroit, wurud al-mutanawwi'an, d'une façon diversifiée. Naam, d'une façon diversifiée, vraiment qui lui convient. Pourquoi? Parce que des fois, il y a le mot yumsik. Allah Ta'ala tient, il tient les cieux et la terre. Des fois, il y a plié. Yawma natwi as-sama', comment on va plier les cieux. Ensuite, il y a le qabd, prendre. Ensuite, il y a Allah Ta'ala yabsut, il étale ses mains. Ensuite il prend avec sa droite. Ensuite il écrit avec sa main. Ensuite il plie les cieux et les terres. Subhanallah, tout ça. Et ils disent il n'a pas la main. Subhanallah l'adhim. Waqala, écoutez maintenant qui va parler. Maintenant les Habesh, ça devient grave pour eux s'ils vont entendre ce que je vais dire maintenant. Car les Habesh disent que ils suivent qui? Zama, entre parenthèses, Zama. Ils suivent Abu Hassan al-Ash'ari. Les Habesh suivent Abu Hassan al-Ash'ari. Écoutez ce que dit Abu Hassan al-Ash'ari. Écoutez, pour savoir que les Habesh ne savent pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font, ni où ils vont. Écoutez ce qu'a dit Abu Hassan al-Ash'ari, qu'ils prétendent y suivre. Wa qala Abu Hassan al-Ash'ari, fi risalati ila ahli al-Thaghr. Abu Hassan al-Ash'ari a au moins 6 ou 7 livres. Naam. Parmi les plus connus, c'est l'Ibana, comme vous savez, fait au sol d'Iyana, et Maqalat Islamiyin, et Risalatun ila al-Thaghr. Écoutez ce qu'a dit Abu al-Hassan, que les Habesh disent, nous on suit Abu al-Hassan. Écoutez ce qui prouve qu'ils n'ont jamais lu un de ses livres. Écoutez ce que dit Abu al-Hassan al-Ash'ari dans son livre, Risalatun ila al-Thaghr, page 225. Écoutez ce qu'il dit. Wa ajma'u, ça veut dire qu'il y a un consensus. على أنه عز وجل يسمع ويرى. Il y a un consensus que Allah Ta'ala entend et voit. وأن له تعالى يدين مبسوطتين. وأن له تعالى يدين مبسوطتين. Et que Allah Ta'ala a deux mains tendues. Et que Allah Ta'ala a deux mains tendues. Et que Allah Ta'ala a deux mains tendues. وأن له تعالى يدين مبسوطتين. Et que Allah Ta'ala a deux mains tendues. Page 225, Abu Hassan al-Ash'ari, pour voir que les Habash n'ont aucune relation avec Abu Hassan al-Ash'ari. Naam. Wa qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi al-Qawa'id al-Mutla fi sifatillah wa asma'i al-husna, page 30, min sifatillah ta'ala, les attributs d'Allah ta'ala, la venue, il y a des attributs. Fa nasifullah ta'ala bi hadhihi sifat. Nous, on décrit Allah Ta'ala de ce qu'il s'est décrit. Al-Wajh al-Warid. Naam. Comme il s'est décrit. Naam. C'est pas nous qui ajoutons ou qui retranchons. Taïf. Maintenant, vous avez entendu ce qu'il y a dans le Coran. La Sunna. Il est salaf. Et Abu Hassan al-Ash'ari. Et Abu Hassan al-Ash'ari aussi. L'attribut d'Allah en général. Et en ce qui concerne l'attribut de la main en particulier. Une seconde, inshallah ta'ala. Non. Je disais. Où est-ce que j'en étais? Rappelez-moi, Tamullah, où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je disais la dernière phrase? Dès que quelqu'un m'écrit quelque chose, je m'oublie, subhanallah al-Azim. Qu'est-ce que je disais? Naam, je disais que, pour montrer qu'il n'y avait aucun lien entre eux. Naam, maintenant, puisqu'on a prouvé que Allah Ta'ala avait deux mains, comme il s'est décrit à Zawajal. Naam. C'est quoi la règle? La règle. Naam. Car ceux, naam, car les négateurs, les Habash et les autres, disent que nous, on ne dit pas qu'Allah Ta'ala demain, ou là à les mains, ou là à la venue, ou bien il descend, ou bien ceci, ou bien cela. Pourquoi? Ils disent parce que on l'a fait ressembler aux créatures. On l'a fait ressembler aux créatures. Mais nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit non, c'est seulement celui qui a un cœur souillé qui le ressemble. Qui est-ce qui vous a dit de le ressembler? Dites, il a deux mains, et ses deux mains ne ressemblent pas à nos mains. Non, comme nos mains ne ressemblent pas aux mains des autres animaux et des autres créatures. La même chose, dites que Allah Ta'ala a une, comme vous dites que Allah Ta'ala a une vie qui ne ressemble pas à notre vie, comme Allah Ta'ala a une vue qui ne ressemble pas à notre vue, comme Allah Ta'ala a une ouïe qui ne ressemble pas à notre ouïe, comme Allah Ta'ala a une parole qui ne ressemble pas à notre parole. La même chose. Naam, le kalam qui s'est fait, le kalam fi dhat. Naam, comme vous dites sur son essence, dites sur son, ses attributs, la même chose. Dites, il a deux mains qui ne ressemblent pas à nos mains. Il a un rire qui ne ressemble pas à notre rire. Il a une colère qui ne ressemble pas à notre colère. Il a une descente qui ne ressemble pas à notre descente. Et comme ça, c'est comme ça qu'il faut dire. Regardez ce que disent les ulama. Qala Nu'aym ibn Muhammad al-Hafid, rahimahullah, man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Quiconque fait ressembler Allah Ta'ala avec ses créatures, il est devenu kafir. Wa man ankara ma wasafa bihi nafsuhu faqad kafar. Et la même chose pour celui qui nie un attribut avec lequel Allah Ta'ala s'est décrit, il est devenu kafir. Vous avez entendu ce qu'a dit ce grand savant? Si tu dis que Allah Ta'ala a un attribut qui ressemble aux attributs des créatures, tu es devenu kafir. Et si le contraire maintenant, tu dis que Allah Ta'ala n'a pas tel et tel attribut, tu es devenu aussi kafir. Donc, comme a dit Ishaq ibn Rahawi, rahimahullah, comme disait Ishaq ibn Rahawi, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, quand tu dis, naam, que Allah Ta'ala a une main comme notre main, tu es devenu kafir. Mais si tu dis que Allah Ta'ala a une main qui lui convient, pas comme la fils, et tu fais ressembler, quand tu dis comme moi, tu dis Allah Ta'ala a une main comme ma main, Allah descend comme moi je descends, Allah voit comme moi je vois. Naam, là, tu es devenu un ressembleur. Mais quand tu dis que Allah Ta'ala a des yeux qui lui conviennent, naam, a une descente qui lui convient, a une colère qui lui convient, a deux mains qui lui conviennent, a un rire qui lui convient, pas comme moi, naam, là, tu as vraiment suivi ce qu'il fallait suivre bi'idnillahi azzawajal. Tayyib. Ensuite on dit, naam, on dit à celui qui dit que Allah Ta'ala n'a pas telle chose, telle chose, alors que Allah Ta'ala a dit qu'il avait telle chose, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, a antum a'lam amillah, naam, a antum a'lam amillah. Yani, vous connaissez Allah subhanahu wa ta'ala mieux que lui, hein? Êtes-vous les plus savants ou Allah ta'ala? Qui est le plus savant? Qui est pour les croyants? N'élevez pas votre voix ou vos voix au-dessus de la voix du prophète. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Oh vous qui avez cru, al-hujurat, verset 2, al-hujurat. Oh vous les croyants, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Non. Le prophète, quand il dit une chose, tu te tais. Tu dis, Samir. Nous, on dit, il ne descend pas. Toi, tu lui dis, il est au-dessus du trône. Nous, on dit, il est partout. Ça veut dire, tu as levé ta voix, élevé ta voix sur la voix du messager d'Allah. Tu as désobéi au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as dit, ou bien prétendu, que tu connais le dîn mieux que le messager d'Allah. Naam, c'est-à-dire si le messager d'Allah était vivant, tous les Habesh seraient allés pour le contredire et lui dire, ô messager d'Allah, reviens de ce que tu as dit. Ce que tu as dit, c'est faux. Naam, tu as dit qu'Allah descendait, qu'Allah riait, qu'Allah se mettait en colère, qu'Allah s'étonnait. Tout cela, ô messager d'Allah, il faut te rétracter. Et s'il le frappe pas, s'il frappe pas le messager d'Allah, alayhi sallam, alhamdoulillah, naam, c'est une grande chose déjà, car ils sont connus pour leur violence et leur crime. Vous allez voir, inshallah ta'ala, tout à l'heure. Naam. Tayyib, autre chose, écoutez maintenant une chose très importante. Naam, une chose très très importante, bi'idhna ta'ala. Écoutez le hadith qui va venir de déformer un verset ou un hadith et de l'expliquer comme il veut lui. Personne n'a le droit, naam, de déformer un hadith et ou un verset et de lui donner le sens qu'il veut lui. Comme eux, ils donnent le sens de la puissance, c'est pas idri. Ils donnent une récompense. Et comme ça, personne n'a le droit de déformer. Personne. Pourquoi? C'est quelque chose qui vient d'Allah Azzawajal et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager lui-même ne déforme pas. Naam. Il répète, c'est tout ce que lui a dit Jibril alayhi salam. Naam. Yuballigh. Mubaligh faqat. Personne n'a le droit de déformer. Regardez, je vais vous donner une preuve, naam, que personne n'a le droit de dire un mot à la place d'une autre. Personne n'a le droit de dire un mot à la place de l'autre, à la place d'un autre mot, même si ce sont des synonymes. Allahu Akbar. Synonyme, vous savez que ça veut dire synonyme. Je n'ai pas le droit dans le dîn de dire un mot. Je dis, oh, ou bien comme a dit le messager d'Allah. Mais si je veux rapporter le hadith, je le rapporte avec ces termes, sans changer un mot, jamais, jamais. Écoutez le hadith qui va venir. Naam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est en train d'apprendre à Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, il est en train de lui apprendre, naam, quand il va dormir la nuit, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit dire, etc. Naam. Le messager d'Allah lui a dit, إذا أتيت مضجعك quand tu vas à ton lit فتوضأ وضوءك للصلاة. Fais les petites ablutions. Je vous ai dit la fois passée, Masha'Allah, celui qui peut faire les ablutions avant de dormir, Masha'Allah pour lui. Naam, Allah, quelqu'un qui dort avec les ablutions, Masha'Allah. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse pour dire, il y a un hadith authentique, il y a un hadith authentique qui dit que quelqu'un qui dort avec les ablutions, il y a un ange qui va dormir avec lui, collé à lui. Collé à lui, ça veut dire si par exemple tu es un homme, tu as par exemple un tricot de peau, il va rentrer à l'intérieur entre toi et le tricot de peau. Non, il sera collé à toi. Chaque personne qui dort avec le wudu, il y a un ange qui va se coller à lui jusqu'au matin. Et si je n'ai pas oublié le hadith, non, il va lui faire des du'as bi'idnillah azzawajal. Un mohim, que Allah azzawajal nous aide à ce qu'on fasse des ablutions avant de dormir. Un mohim. Il lui a dit, Summad tadji' ala shiqqika al-ayman. Ensuite, il lui a dit, mets-toi sur le côté droit. Non, mets-toi sur le flanc droit. On ne se jette pas comme ça directement sur son dos ou là sur le côté gauche, mais on commence toujours par le flanc droit. Non, mets-toi sur le flanc droit. Non. Thumma qul. Et ensuite, dis, qu'est-ce que tu dis? Allahumma aslamtu wajhi ilayk. وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك نعم. Ensuite, qu'est-ce que tu dois dire? Enfin, qu'est-ce qui est conseillé de dire? Il lui a dit, dis, اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت. Dis, يا ابن عمر, dis, ô oh Seigneur, j'ai cru en ton livre que tu as descendu. Wa bin nabiyyik alladhi arjam, et tu dis comme ça et tu meurs cette nuit-là, tu meurs sur l'islam, al-fitra. Waj'alhunna akhira ma tatakallam bihi, et fais de sorte que ça soit les dernières paroles que tu dises. C'est-à-dire, quand tu dis cela, tu dors direct. Les dernières paroles, bi'idhnillah azza wa jal. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit. Alors, Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il a? Il a dit, faradittuha. Alors, j'ai commencé à répéter ce qu'il m'a dit pour voir si j'ai appris ce qu'il m'a dit. Il a dit, faradtu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, falamma balaghtu allahumma amantu bi kitabik alladhi anzalt. Il a dit, j'ai commencé à répéter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand je suis arrivé au passage où il a dit, où il faut dire, ô Seigneur, j'ai cru en ton livre que tu as descendu, et en ton prophète que tu as envoyé. Il a dit, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai dit? Ou alors je ne me suis pas trompé, mais moi je l'ai dit. Il a dit, alors j'ai dit, j'ai cru en ton livre que tu as descendu et en ton messager que tu as envoyé. Alors que lui a dit le messager d'Allah? Lui a dit, non, non. Non, ne dis pas messager, dis au prophète que tu vas envoyer. Car je t'ai appris, hein, dans ce doua qu'il fallait dire, hein, j'ai cru en ton livre que tu as descendu et ton prophète que tu as envoyé. Abdullah ibn Omar a cru que c'est la même chose. Il a dit ton livre que tu as descendu et le messager que tu as envoyé. Il lui a dit non, faut pas dire messager, faut dire prophète. Où se trouve ce hadith? Le Bukhari 239 et Muslim 4884. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu peux pas dire messager à la place du prophète. Alors que la différence n'est pas grande entre messager et prophète. Tu n'as pas le droit de dire messager au lieu de prophète. Subhanallah al-Azim. Alors qu'en est-il que tu dises de la main, c'est la puissance. Et du colère, de la colère, c'est le châtiment. Et du rire, c'est la récompense. Et de la descente, c'est la rahma qui descend, c'est pas Allah. Et au-dessus des trônes, ce n'est pas lui qui est au-dessus du trône, c'est la miséricorde. Et subhanallah, et le visage, la souveraineté est comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les synonymes, tu n'as pas le droit. Quand on était dans la aqida, tu changes toi la aqida des gens. Tu changes la aqida d'Allah Ta'ala et du messager d'Allah. Tu la changes, tu la transformes et tu dis ce que tu veux. Ensuite, tu dis, je suis salafi. Nous les Habesh, on est des salafis, les Habesh. Nous les Habesh, c'est nous les salaf salah. Les salaf salah. C'est pour ça que quand vous rentrez dans le salon des Habesh, il y a quelqu'un qui leur fait le cours, il s'appelle salaf. Salaf 1 ou la salaf 2 ou là. Il croit qu'en mettant le mot salaf devant lui, il est devenu salafi. Classe, naam. Il est ash'ari, enfin ash'ari, il n'est pas ash'ari, il est où il connaît lui l'ash'ariya. Et il croit que, les gens croient que, en mettant salafi, khlas, je deviens salafi. Allahu Akbar, devenir salafi. Il faut que Allah Ta'ala d'abord soit ravi de toi, pour qu'il t'accepte dans le sentier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim. Maintenant, tout ça, c'est premièrement, c'est montrer que quoi? Les salaf et ce qu'a dit Allah Ta'ala, son messager, les salaf sur les attributs d'Allah et les attributs et la main spécialement. Les attributs en général et la main spécialement. La deuxième règle que je vais citer maintenant et que j'ai toujours cité bien sûr, c'est que Ahl Sunnah ou Jama'a, tout en attestant, Ahl Sunnah ou Jama'a, tout en attestant que Allah Ta'ala a des attributs, naam, il ne faut pas quatre choses. Naam. Ils ne font pas la négation, ils ne font pas la déformation, ils ne font pas l'anthropomorphisme et ils ne demandent pas le comment. Naam. Min ghayri ta'til wala tahrif wala tamthil wala takyif. Naam. Ils ne font pas la déformation. Ils disent pas d'accord, il a la main, mais ça a un autre sens, c'est la puissance. D'accord. D'accord, il descend, mais c'est pas lui, c'est un ange. D'accord, ils rient, ils ne disent pas ça. Elles sont au Jama'a des self, ils ne disent pas ça. Ils ne font pas l'anthropomorphisme. Ils ne disent pas Allah descend comme je descends. Allah a deux mains comme mes deux mains. Allah a une jambe comme ma jambe. Allah rit comme moi je ris. Ils ne disent jamais cela. Ils ne font pas l'anthropomorphisme. Et ils ne demandent jamais le comment. Ils ne demandent jamais le comment. Maintenant, je me suis rappelé une chose. On m'a dit qu'il y avait une salle ici dégarée, naam, qui a fait passer une de mes cassettes, qui ils disent que à l'intérieur de la cassette, je dis par exemple que Allah Ta'ala parle comme je parle et que Allah Ta'ala met son pied comme moi je mets son pied dans une boîte à sardines et comme ça. Et moi, qu'est-ce que je dis à cela? Je dis à cela, justement, c'est là une preuve qu'ils sont vraiment des déformateurs. C'est là l'une des grandes preuves qu'ils sont vraiment des déformateurs. Pourquoi? Parce que ils ne montrent pas, naam, les passages où je dis que rien ne lui ressemble. Où je dis que Allah Ta'ala, c'est impossible qu'il ressemble à la créature ou qu'une créature ressemble à Allah Ta'ala en rien. ni en son essence, ni en ses actes, ni en ses actes. Ça, ils ne le disent pas. Et ils disent comme ça des choses qui, apparemment, font croire aux gens que, oh, c'est vrai, il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire quand moi je parle? Ça veut dire, il me ressemble? Non, ça veut dire, moi je parle, Allah Ta'ala aussi parle. Il y a ressemblance dans quoi? Dans le fait de parler. Non, pas dans comment je parle. Non, rien, Allah Ta'ala, rien ne lui ressemble. Ça veut dire, quand moi je parle, Allah Ta'ala aussi parle. Quand moi j'ai deux mains, Allah Ta'ala a aussi deux mains. Non, quand moi, c'est-à-dire que la ressemblance, c'est quoi? Ce n'est pas dans l'attribut. C'est comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, par exemple, vous verrez Allah Ta'ala quand vous voyez la lune, ou là, quand vous voyez le soleil. Est-ce que Allah Ta'ala ressemblait, le messager d'Allah a ressemblé Allah Ta'ala au soleil? Ou là, Allah Ta'ala, ou là, le messager d'Allah a fait ressembler Allah Ta'ala à la lune? Non. La ressemblance, c'est pas dans ce qu'on va voir, mais c'est dans la vision. Ça veut dire, comme vous pouvez et vous voyez la lune, moi je parle et Allah parle. Mais il est impossible que je lui ressemble ou qu'il me ressemble. Comme moi j'ai deux mains, Allah Ta'ala a deux mains. Mais c'est impossible que Allah Ta'ala et mes mains ressemblent aux mains d'Allah ou bien que les mains d'Allah ressemblent à mes mains. Et la même chose, comme j'ai dit que Allah Ta'ala, j'ai dit que Allah Ta'ala mettait son pied, enfin c'est pas moi qui ai dit ça, c'est le messager d'Allah Ta'ala qui a dit que Allah Ta'ala met son pied dans Jahannam jusqu'à ce qu'elle se plie. Ensuite, moi j'ai donné exemple. J'ai dit, regardez-moi, quand je mets ma main, pardon, quand je mets mon pied sur la boîte de sardines, qu'est-ce qui se passe? Elle va se plier, elle va se plier. Donc la ressemblance c'est quoi? C'est dans le fait qu'elle se plie. Naam, je voulais dire, et je dessus, elle sera obligée de se plier. Naam, comme moi, quand je mets mon pied sur la boîte de sardines, elle sera obligée de se plier. La ressemblance, c'est dans le repli. C'est-à-dire qu'elle est tout. Maintenant, puisque Sunna ou Jama'a disent que on ne déforme pas, on ne fait pas ressembler, on ne nie pas, on ne demande pas le comment, naam, passons au deuxième chapitre, Inch'Allah Ta'ala, où les Habash disent que, naam, ils suivent Abu Hanifa. Les Habash prétendent que ils suivent Abu Hanifa. Et ils disent que Abu Hanifa a dit telle chose, Abu Hanifa a dit telle chose. Maintenant, on va leur montrer que, naam, ils sont vraiment loin de Abu Hanifa et que Abu Hanifa, rahimahullah, se désavoue d'eux. Se désavoue d'eux, bi'idhnillahi azza wa jalla. Tayyib. Une seconde, je vais vous montrer ça où ça se trouve, bi'idhnillah ta'ala. Une seconde. Tayyib. Est-ce que vous m'entendez dans le salon? Est-ce que vous m'entendez? Non, dans le salon, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc les Habesh disent que nous, Abu Hanifa a dit dans le fiqh al-akbar ceci, cela, naam, ça veut dire, ils font croire aux gens que leur aqida vient de l'imam Abu Hanifa. Et nous, rahimahullah, naam. Tayyib, regardez maintenant ce qu'a dit Abu Hanifa, rahimahullah. Écoutez bien ce que dit Abu Hanifa, rahimahullah. Dans son livre, naam, al-fiqh al-absat, صفات والرد على الجهمية نعم الرد على الجهمية كومو أبو حنيفة va réfuter les propos des جهميت les propos des جهميت طيب que dit أبو حنيفة رحمه الله que dit أبو حنيفة رحمه الله je préfère m'arrêter s'il y a beaucoup de coupures je voudrais que ça soit très clair نعم est-ce qu'il y a beaucoup de coupures vous m'entendez bien inshallah ceux qui n'ont pas le point rouge Écrivez-moi en numéro 1 pour savoir que. Tamallah, pourquoi tu as écrit non? Tamallah, pourquoi tu as écrit non? J'ai pas compris. Alhamdulillah. Tayyib. Pas beaucoup de coupures. Alhamdulillah. Ça coupe de temps en temps. Naam. Il faut. Comment dire? Il faut patienter, Inch'Allah. Il faut patienter. Naam. Abu Hanifa rahimallah a dit La yusafu Allah ta'ala bi sifat al-makhluqin. Allah ta'ala ne se décrit pas, on ne le décrit pas avec les. Les attributs des êtres humains. وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف وهو قول أهل السنة والجماعة. Voilà la première des choses qui montre que les Habash ne suivent pas deux attributs d'Allah Azza wa Jal. Et les Habash disent que Allah Ta'ala n'a pas l'attribut de la colère. Car ce sont les êtres humains qui se mettent en colère. Et n'a pas l'attribut de Al-Farah. Allah Ta'ala ne se réjouit pas aussi. Naam. Écoutez ensuite ce que dit Abu Hanifa 56. Allahu Akbar. Les Habash ont menti. Les Habash ont menti sur Abu Hanifa. Allahu Akbar. Demain, Abu Hanifa demandera aux Habash pour qu'un de suivre Abu Hanifa. Alors que Abu Hanifa dit que la colère et l'agrément sont deux attributs d'Allah Ta'ala et qu'il ne faut pas les déformer et qu'il faut croire en eux. Mais les Habash ont dit non, Allah Ta'ala ne se met pas en colère et Allah Ta'ala ne se réjouit pas. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Nasifuhu kama wasafa nafsah. On le décrit comme il s'est décrit. Ahad, samad, lam yalid, lam yulid, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Hay, vivant, qadir, sami', basir, alim. Yadullah fawqa aydihim. La main d'Allah au-dessus de leurs mains. Pour les Habash qui disent que Allah Ta'ala n'a pas de main, écoutez Abu Hanifa, yadullah fawqa aydihim laysat ka aydi khalqih, ne ressemble, les mains d'Allah ne ressemblent pas aux mains des créatures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a deux mains mais seul usage. Et qui disent que on suit Abu Hanifa. Écoutez Abu Hanifa ce qu'il dit, wa wujuhuhu, son visage n'est pas comme le visage des créatures. Et pour dire que son visage n'est pas comme le visage, ça veut dire qu'il a déjà un visage. J'atteste d'abord qu'il a un visage, ensuite je dis que son visage ne ressemble pas au visage des créatures. Voilà ce qu'a dit Abu Hanifa. Voilà Madhab Salaf. Non, Madhab Salaf. Non, pas Madhab Habash. Non. Écoutez maintenant ce qu'a dit Abu Hanifa encore. Vous dites ce qu'a dit Abu Hanifa. Vous êtes vous de, vous suivez Abu Hanifa. Écoutez ce qu'il dit. الفقه الأكبر 302 الفقه الأكبر page 302 وله يد ووجه ونفس النفس a une main, un visage et une nafs, comme Allah Ta'ala s'est décrit dans le Coran. Allahu Akbar. Vous avez entendu ce qu'a dit Abu Hanifa? Allah Ta'ala a la main, le visage et la nafs, comme ذكره الله تعالى في القرآن. نعم فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف. Il dit tout ce que Allah Ta'ala s'est décrit dans le Coran, comme quoi il avait le visage, la main et la nafs, ce sont des attributs sans commun. Et maintenant écoutez ce qu'il va dire. Maintenant la phrase qu'il va dire, la phrase qu'il va dire, ça va briser le dos des Habash. خلاص les Habash ne pourront plus jamais parler aux gens et mentir. Normalement ils ne peuvent plus. Écoutez, et on ne doit pas dire la main d'Allah c'est sa puissance ou bien c'est sa ni'ma, parce que tu as détruit l'attribut. Et si tu dis comme ça, tu es devenu un kadirite ou bien mu'tazili. Fiqh al-Akbar page 302. Allahu Akbar. Abu Hanifa brise le dos des Habash. Abu Hanifa brise le dos des Habash qui ont menti aux gens, qui ont menti aux gens et leur ont dit nous on suit Abu Hanifa. Abu Hanifa dit dans son livre Al-Fiqh al-Akbar 302, wa la yuqal, on ne doit pas dire la main d'Allah inna yadahu qudratuh, on ne doit pas dire la main d'Allah c'est sa puissance, ou ni'matuh, on ne doit pas dire la main d'Allah c'est sa ni'ma. Sinon tu as détruit, tu as annulé l'attribut. Allah Ta'ala dit il a une main, toi tu dis non, c'est la ni'ma. Allah Ta'ala dit il a le visage, tu dis non, c'est la souveraineté. Tu as détruit l'attribut. Naam. Et quiconque dit comme ça, c'est quoi? C'est Ahl al-Qadr, ce sont les gens du Qadr ou Hanifa, sur le fait que Allah Ta'ala est-il au-dessus du trône ou pas. Car vous savez que les Habash acceptent tout sauf que tu leur dises Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Ah, si Yahab, tu lui dis Allah est au-dessus du traqueux, quand tu as des doutes sur quelqu'un et tu veux savoir si c'est un Habashi ou pas, parle-lui de quoi? Parle-lui de l'établissement d'Allah au-dessus du trône. Dis-lui, fais semblant comme si tu savais pas. Dis-lui maintenant je comprends pas. Il y a des gens qui disent Allah est au-dessus du trône, d'autres qui disent il est partout. Il va te dire attention, attention. Allah Ta'ala n'a pas de place. Il ne faut pas dire il est au-dessus du trône. Sinon tu l'as fait ressembler. Naam, attention. Donc les Habesh n'acceptent jamais que quelqu'un dise que Allah Ta'ala est au-dessus du trône. S'il pouvait, je dis bien s'il pouvait, si c'était possible, alhamdoulilah, c'est pas possible. Les Habesh pouvaient, ils auraient effacé le verset du Coran. S'ils pouvaient, s'il y avait un moyen, mais c'est trop tard. Le Coran a été répandu dans tout le monde. En Amazon, les hommes de la préhistoire qui sont maintenant en Amazon et qui vivent tout nus, qui mangent les serpents, ils ont enlevé le verset du trône qui dit que Allah Ta'ala stawa. Alors qu'il y a sept versets. Ils sont obligés d'effacer sept versets. C'est un peu difficile, mais Allah Azzawajal ne les laissera pas bi-idhnillah. Naam. Allah Ta'ala, c'est lui qui préserve son Coran. Alhamdulillah. Écoutez maintenant ce que va dire Abu Hanifa rahimahullah. Écoutez bien ce qu'il va dire. Hein. Il a dit ولما سئل عن نزول الإله et quand on lui a demandé la descente d'Allah Azzawajal, il a dit ينزل بلا كيف. Il a dit il descend sans demander comment. Naam. Il descend sans demander comment. Vous pouvez vérifier ça dans le livre Aqidat Salaf, Ashab al-Hadith, page 42. Al-Asma wa Sifat al-Bihaqi, 456. Sharh al-Tahawiyya, 245. Sharh al-Fiqh al-Akbar, lil-Qari, page 60. Qadi Abu Hanifa, il a dit Allah Ta'ala descend. Ici, il descend, ça veut dire qu'il est au-dessus du trône. Allah Ta'ala descend. Non. Les Habesh disent Allah Ta'ala ne descend pas. Et ils disent on suit Abu Hanifa. Tu suis Abu Hanifa? Menteur. Grand menteur. Abu Hanifa a dit Allah Ta'ala descend. Mais sa descente ne ressemble pas à la descente des créatures. Naam. Écoutez ce qu'a dit Abu Hanifa aussi. Écoutez ce qu'il a dit. Wa qala, et il a dit Man qala la a'rifu Rabbi fi s-sama'i am fi l-ardi faqad kafar. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Abu Hanifa a dit Quiconque dit, je ne sais pas si mon Seigneur est au-dessus des cieux ou bien s'il est dans la terre, sur la terre. Il a dit, celui-là est devenu kafir. Allahu Akbar. Quiconque, Abu Hanifa dit, quiconque dit, je ne sais pas si Allah Ta'ala est au-dessus des cieux ou bien s'il est dans la terre, je ne sais pas où est-ce qu'il est, il est devenu kafir. Et les Habesh disent, on ne sait pas où il est Allah Ta'ala. Les Habesh ont perdu leur Seigneur. C'est comme une statue, tu as une statue, tu vas quelque part, tu reviens, tu la trouves pas, on te l'a volée. Les Habesh ont perdu leur Seigneur, ils disent on ne sait pas où est-ce qu'il est. Al-Sunnah al-Jama'a disent, il est au-dessus du trône, il s'est établi sur le trône, au-dessus des cieux, comme il a dit Allah Ta'ala lui-même dans sept versets. Et laissons les hadiths authentiques. Naam. Donc, qu'a dit Abu Hanifa, il a dit, quiconque dit, je ne sais pas si mon Seigneur et au-dessus des cieux, ou bien sur la terre, faqad kafar, kafar. Wa kada, et la même chose, man qala innahu ala l'arsh, wa la adri l'arsh, afi sama am fil ard. Subhanallah, Allahu Akbar. Il a dit, et la même chose, il est devenu kafir. La personne est devenue kafir, même si elle dit, Allah Ta'ala est au-dessus du trône, mais elle dit, je ne sais pas où se trouve le trône. Est-ce qu'il est en haut ou en bas? Je ne sais pas ce trône, où est-ce qu'il le trouve. Je reconnais qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône, mais je ne sais pas le trône où est-ce qu'il se trouve, dans les cieux ou dans la terre. Celui-là, il a dit, il est devenu kafir. Al-Fiqh al-Absat, page 46. Ça se trouve dans Al-Fiqh al-Absat, page 46. Subhanallah al-Azim. Vous voyez ce qu'a dit Abu Hanifa? Quiconque dit, je ne sais pas où se trouve Allah, dans les cieux ou dans la terre, il est devenu kafir. Ça donc, même elle reconnaît, elle dit, Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Mais je ne sais pas où se trouve le trône. Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saut, l'ikhwa. Fais saut. Vous m'entendez? Tayyib, où est-ce que j'ai été, inshallah ta'ala? Est-ce que vous aviez entendu ce que je disais sur Abu Hanifa, rahimahullah? Naam. Le trône, Abu Hanifa et le trône. Est-ce que vous avez entendu ce que je disais sur Abu et le trône? Dites-moi si vous avez entendu. Alhamdulillah. Donc je disais, Naam, je disais que Abu Hanifa, rahimahullah, non seulement a dit, Naam, non seulement a dit que celui qui dit reconnaît que Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Mais malgré cela, il dit, je ne sais pas où se trouve le trône. Il est en haut, là, il est en bas, je ne sais pas. Il a dit, il est kafir. Alors, pour voir, yani, pour comparer avec les menteurs des Habash qui disent que nous, on suit Abu Hanifa. Tayyib. Maintenant, troisièmement, les Ousmoum, les Hajjal, qui n'ont aucune relation avec l'Ash'ari, avec Abu Hassan l'Ash'ari, ils n'ont aucune relation avec lui. D'ailleurs, entre parenthèses, s'ils étaient Ash'arites, ça ne leur aurait servi à rien. Ça ne leur aurait servi à rien. Car les Ash'arites de nos jours, ce ne sont pas ceux qui suivent Abu Hassan l'Ash'ari. Non. Mais, comme ça, par mensonge, ils disent, on est des Ash'arites. Sinon, ils n'ont aucune relation avec Abu Hassan l'Ash'ari, qui, tout le monde le connaît, est passé par trois étapes. La première étape, il était Mu'tazili. Ensuite, il est devenu Kullabi. Ensuite, il est devenu Al-Sunna al-Jama'a dans la troisième étape. Et certaines personnes, comme Cheikh Ibn Uthaymeen et d'autres, disent que Naam, dans la troisième étape, il est devenu de Al-Sunna al-Jama'a. Et d'autres, comme Ibn Qayyim et Ibn Taymiyyah, disent que le vrai, c'est que Abu Hassan al-Ash'ari est resté dans la deuxième étape, c'est tout. C'est-à-dire que même en étant mort, il est mort avec la aqida des Kullabiyya. Des Kullabiyya. Al-Muhim, supposons maintenant, supposons que, Naam, que prenons l'avis qui dit que Abu Hassan al-Ash'ari est mort, sur la aqida des salaf. Rahimahullah. Une seconde, je vous lis un peu. Tayyib, Naam. Abu Hassan al-Ash'ari a trois livres. Naam, trois livres, pardon, sept ou huit livres. Parmi les trois livres les plus connus, Naam, les deux livres les plus connus, Ibana et Maqalat l'Islamiyin. Écoutez ce qu'a dit Abu Hassan al-Ash'ari dans Maqalat l'Islamiyin et comparé avec ceux la aqida des Habash bi'ilnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ta'amallah, vous m'entendez? Naam, vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a dit قول أصحاب الحديث وأهل السنة. C'est Abu Hassan al-Ash'ari rahimahullah qui parle. Il a dit la parole des gens du hadith et de l'Ahl-Sunnah. جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا. Il a dit, et c'est-à-dire la généralité que Ahl-Sunnah suivent, et le hadith, c'est quoi? C'est attester qu'Allah Ta'ala, qu'il y a Allah Ta'ala, les anges, les livres, les messagers, et tout ce qui vient d'Allah Azzawajal, d'après ce que nous ont fait rapporter les gens intègres. Il a dit, لا يردون من ذلك شيئا. Ils ne refutent rien. Ils ne refusent rien. Ils acceptent tout. وأن الله تعالى إله واحد عبده ورسوله. Et Mohammed, c'est son serviteur, son messager. Là, le paradis, c'est, yani, existe. Nar, haq, sa'a. La fin du monde va arriver. Naam, la riba fi. Et que Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer, c'est-à-dire va faire sortir ceux qui sont dans les tombes. Allah ta'ala va faire sortir ceux qui sont dans les tombes. Alhamdulillah. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Allahu Akbar. Écoutez ce qu'il va dire. وأن الله سبحانه وتعالى على عرشه الله أكبر الله تعالى est au-dessus de son trône كما قال الرحمن على العرش استوى الله أكبر. Oh vous les menteurs des Habash, vous les menteurs des Habash, vous dites nous sommes des Ash'arites, vous êtes des Ash'arites, parce que vous savez que les gens ici dans le Paltok, la plupart n'ont pas de science. Naam, ils sont des jeunes, ils sont nouveaux, ils veulent apprendre, ils ne connaissent pas. Alors vous voulez profiter, Naam, pour leur apprendre le faux. Vous savez qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les livres pour voir, pour vérifier. Alors vous profitez, vous dites n'importe quoi, et vous vous cachez derrière quoi? Derrière Za'ma Za'ma Abu Hassan al-Ash'ari. Comme quoi nous, yani on suit Abu Hassan al-Ash'ari, on suit Abu Hanifa. Naam. Les Habash, leur grand ennemi, c'est celui qui dit qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Leur grand ennemi, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même nous a appris qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Leur grand ennemi, c'est le Coran, car le Coran dit qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Leur grand ennemi, c'est les compagnons, c'est les sahaba, c'est les grands savants. C'est pour ça qu'ils disent de Ibn Taymiyyah, ils disent un kafir. Les grands savants, Ibn Baz, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, tous ceux-là, ce sont des grands kuffars. Qu'Allah Ta'ala les maudisse, les punisse dans cette vie avant l'au-delà. Naam, les menteurs. Que dit Abu Hassan al-Ash'ari? L'arche istawa, ar-Rahman wa al-arche istawa. Où ça se trouve? Maqalat al-Islamiyin de Abu Hassan al-Ash'ari, page 71-72, pour ceux qui veulent vérifier. Et pour les Habash qui ne savent pas, les Habash qui on les a trompés. Écoute-moi le Habashiste, tu es dans la salle. Wallah al-Ali al-Azim qu'on t'a trompé. Wallah al-Ali al-Azim qu'on t'a menti. Wallah al-Ali al-Azim qu'on t'a rusé. Pourquoi vous nous apprenez le faux et les choses déformées, les choses mentées? Pourquoi vous dites Abu Hassan al-Ash'ari, on le suit, nous on est en train de le suivre. Pourquoi vous dites ça? Et alors que nous, vous nous avez appris, on dit Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône. Alors que Abu Hassan al-Ash'ari dit qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône dans son livre Maqalat Islamiyin, page 71-72. Ar-Rahman, où il a dit Ala al-Arsh istawa. Écoutez ce que dit Abu Hassan al-Ash'ari. Wa anna lahu yadayni bila kayf. Allahu Akbar. Et qu'Allah Ta'ala a deux mains sans comment. Je ne cherche pas à savoir comment qu'elles sont faites. Ce que je sais, c'est que Allah Ta'ala a deux mains. Qui a dit ça? Ensuite, il a dit, comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, Khalaqtu bi yaday. Pourquoi tu t'es pas prosterné à ce que j'ai créé avec mes deux mains? Et comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, Bal yadah mabsoutatan. Et ses deux mains sont tendues. Dites-moi les Habash, est-ce que Abu Hassan al-Ash'ari a dit qu'Allah Ta'ala a deux puissances ou qu'Allah Ta'ala a deux mains? Dites-moi vous les Habash, est-ce qu'Allah Ta'ala a dit que est-ce que Abu Hassan al-Ash'ari a dit qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône ou qu'Allah Ta'ala est partout? Naam, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas mettre de lien, inshallah ta'ala, ne mettez pas de lien jusqu'à inshallah ta'ala, ce que je termine le cours bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, car quand il y a un lien, les gens cliquent dans le lien et laissent le dars. Naam, ensuite quand ils reviennent, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas entendues. Al-Muhim, écoutez ce qu'Allah Ta'ala a deux yeux. Allahu Akbar. Les Habash qui disent qu'Allah Ta'ala n'a pas deux yeux. Si tu dis qu'Allah Ta'ala a deux yeux, tu l'as fait ressembler aux créatures. Si tu dis qu'Allah Ta'ala rit, tu l'as fait ressembler aux créatures. Si tu dis qu'Allah Ta'ala a deux mains, tu l'as fait ressembler aux créatures. Si tu dis qu'Allah Ta'ala se met en colère, tu l'as fait ressembler aux créatures. Et comme ça. Naam, il faut réfuter. Il ne faut pas accepter les attributs. Ou alors il faut les déformer. Allahu Akbar. Et ensuite on dit on est Ash'arite. On est Ash'arite. Toi tu es Ash'arite. Abu Hassan Ash'ari dit et qu'Allah Ta'ala a deux yeux. Ensuite il a cité le verset Tajri bi a'yunina, voguant sur nos yeux. Ah, écoutez maintenant ce qu'il va dire. Akbar, il n'a pas dit la souveraineté, il a dit le visage. Et il a cité le verset wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram. Seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et plein de noblesse. Naam, Allahu Akbar. Khlas. Les Habash, normalement, naam, pour avoir menti ces grands mensonges, pour normalement, s'ils avaient un peu honte d'Allah Azza wa Jal, ils rentreraient plus dans le paltok. S'ils avaient un peu honte d'Allah Azza wa Jal, pour avoir menti ces grands mensonges aux gens et dire que on suit Abu Hassan al-Ash'ari. Maintenant, écoutez ce que dit Abu Hassan al-Ash'ari dans son livre le plus connu, qui s'appelle Al-Bab al-Sadis al-Kalam fi al-Wajh wa al-Aynayn wa al-Basar. Qu'a-t-il dit? Ce qu'il a dit, Allah a dit, tout doit périr, sauf son visage. Seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Il a dit, أن له سبحانه وتعالى وجها. Il a dit, Allah Ta'ala nous a informé qu'il avait un visage. لا يفنى ولا يلحق الهلاك. Un visage qui ne périt pas. Donc il a dit qu'Allah Ta'ala nous a informé qu'il avait un visage. وقال تعالى تجري على عيوننا. وقال تعالى تجري بعيوننا. Et Allah Ta'ala a dit que voguons sur nos yeux. Et il a dit واصنع الفلك بعيوننا وحينا. Et construis l'arche sous nos yeux. Ça veut dire que quoi? Qu'Allah Ta'ala a un visage et des yeux. Un visage et des yeux. Kitab al-Ibana. 12.1, volume 1, page 120. Non, 12.1, page 120. Il a dit وَنَفَى الْجَهْمِيَّةُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ تَعَلَى وَجْهٍ. Il a dit et les Jahmites. Et les Jahmites ont dit qu'Allah Ta'ala n'a pas de visage. Et les Jahmites ont dit qu'Allah Ta'ala n'a pas de visage. Ça veut dire que celui qui dit qu'Allah Ta'ala n'a pas de visage, pour Abu Hassan al-Ash'ari, c'est un Jahmite. Ça veut dire Abu Hassan al-Ash'ari est en train de parler des Habash. Il a dit les Habash, ça veut dire il a dit les Habash sont quoi? Sont des Jahmites. Yani Allah Ta'ala n'a pas lui, il n'a pas la vue. Wa wafaqu an-nasara. Naam. Et ils ont ressemblé aux qui? Aux chrétiens. Aux chrétiens qui disent que Allah Ta'ala ni entend ni voit, mais que seulement il a la science. Vous trouvez ça? Kitab al-Ibana. Naam, 12.1, page 122. Écoutez bien ce qu'il va dire maintenant. Et c'est avec ça, inshallah ta'ala, que je vais terminer. Écoutez ce qu'il va dire. Il a dit et Fimen sa'alana, celui qui nous demande, faqal, il dit ataquluna inna lillahi subhanahu wa ta'ala wajhan. Est-ce que vous dites qu'Allah ta'ala a un visage? Est-ce que vous dites, vous, Abu Hassan al-Ash'ari, que les Habash prétendent qu'ils sont en train de vous suivre? Dites-nous, est-ce que vous dites qu'Allah Ta'ala a un visage? Qila lahu. On lui répond, naqulu dhalik. Oui, on dit cela et on l'atteste. On atteste qu'Allah Ta'ala a un visage. Khilafan lima qalahu al-mubtadi'un. Naam. Abu Hassan al-Ash'ari vient de dire maintenant que quoi? Que les Habesh sont des innovateurs. Sont des innovateurs. Il a dit, car si quelqu'un nous demande, est-ce qu'Allah Ta'ala a un visage? On lui dit oui, Allah Ta'ala a un visage. Et on ne dit pas comme les innovateurs qui disent qu'Allah Ta'ala n'a pas un visage. Allahu Akbar, les Habesh sont des innovateurs. C'est pas moi qui le dis, c'est Abu Hassan. Abu Hassan al-Ash'ari a dit que les Habesh sont des innovateurs et les Habesh sont des Jahmites. Où est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça dans son livre. Kitab al-Ibana, 12.1, page 124. Naam. Ensuite, il a dit, Mas'ala, فإن قد سأل نعم مسألة قد سألنا فإن سألنا قد تقولون إن لله يدا أتقولون إن لله يدين. Est-ce que vous dites que Allah Ta'ala a deux mains? Hein? Abu Hassan al-Ash'ari, dites-nous. Est-ce que vous dites que Allah Ta'ala a deux mains? Car les Habesh nous ont appris au paltok que Allah Ta'ala n'avait pas de mains. Dites-nous, Abu Hassan al-Ash'ari. Les Habesh nous ont dit que Allah Ta'ala n'avait pas de mains et ils ont dit que c'est vous qui avez dit cela. Est-ce que c'est vrai, monsieur Abu Hassan al-Ash'ari? Répondez-nous. Il y a les gens et les Habash aussi qui vous entendent. Naam. Ils ont dit que vous dites que Allah Ta'ala n'a pas de main. Naam. Et que nous, les Habash, on vous suit. On vous suit, vous, Abu Hassan. Répondez-nous. Écoutez ce qu'il répond. Qila naqulu dhalik. Naam. On dit que Allah Ta'ala a deux mains. Bila kayf. Mais sans comment. Allah Ta'ala a dit Yadullah fawqa aydihim. Allah Ta'ala a dit la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Naam. Verset. Allah Ta'ala a dit lima khalaqtu biyadayhi. Avec quoi j'ai créé? Ce que j'ai créé avec mes mains. Naam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit inna Allah Ta'ala masaha dhahra adama biyadayhi fastakhraja minhu dhurriyatahu. Et le messager d'Allah nous a appris que Allah Ta'ala a essuyé le dos de Adam avec sa main et il a fait sortir sa progéniture. Tome 1, page 125. Ibana, Abu Hassan al-Ash'ari. Naam. Alors, les Habesh, qu'en dites-vous? Alors, vous dites que c'est. Vous suivez. L'Ash'ari, vous? Vous suivez Abu Hassan al-Ash'ari, vous montez comme ça, le jour, en plein jour. Les gens, quand ils montent en cachette, la nuit, quand tout le monde dort. Vous montez comme ça, devant tout le monde, et vous dites qu'on suit Abu Hassan al-Ash'ari. Hein? Nous, on est des Ash'aira. On est des Ash'aira. Vous, vous êtes des Ash'aira. Si vous étiez Ash'aira, ça vous aurait pas sauvé. Qu'en est-il? Vous êtes des menteurs. Subhanallah al-Azim. Ensuite, Abu Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, dit, Abu Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, dit, Allah, ils font rire des Habesh. Il a dit, wa yuqalu li ahli al-bid'ah. Il a dit, et on va dire aux gens de la bid'ah, c'est-à-dire on va dire aux Habesh et aux Jahmites. C'est lui qui dit. Il a dit, et on va dire aux gens de la bid'ah, on va leur dire, لما زعمتم أن معنى قوله بيدي أي بنعمتي سبحان الله العظيم c'est comme s'il parlait aux Habesh والله c'est comme s'il leur parlait. Il a dit, on va dire aux innovateurs, pourquoi vous avez prétendu que les deux mains ce sont quoi? Il a dit ici, attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Les puissances de la ni'ma, ce sont les ni'ma. Les Habesh, des fois ils disent la main c'est la puissance, la main d'Allah, et des fois ils disent la main c'est la ni'ma. Naam, c'est la ni'ma. Il a dit, pourquoi vous avez prétendu que naam, est-ce que vous avez un consensus qui dit cela, ou bien vous avez pris ça de yani, l'étymologie du mot. وَلَا يَجِدُونَ لِذَلِكَ إِجْمَعًا, et ils ne vont pas trouver de consensus. وَلَا فِي اللُّغَة, et ils ne vont pas trouver même pas les ni'ma. فيقال لهم ومن أين وجدتم في القياس, ou bien il a dit, peut-être vous allez nous dire, on a fait le qiyas, on a fait une analogie, on a fait une analogie. نعم, il va leur répondre, قيل لهم ومن أين وجدتم في القياس أن قوله تعالى بيدي لا يكون معناه إلا نعمتي, ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن تفسيره كذا وكذا. Il leur a dit, où est-ce que vous avez trouvé dans le qiyas, l'analogie, que les mains veulent dire la ni'ma, ou bien veulent dire la puissance? Il leur a dit, où vous avez trouvé ça? Na'am. Et comment dire, comment peut-on, avec la raison, savoir que les deux mains, ce sont les ni'ma? Na'am, il a raison. Si maintenant, j'ai le droit, si maintenant les Habesh ont le droit de déformer, de dire que c'est les deux mains, ce sont c'est la main d'Allah, c'est la puissance. Moi aussi, je suis libre de déformer et de ne pas accepter de leur dire. Je dis, vous avez dit quoi? La main, c'est la puissance. Moi, je dis, la main, c'est la sagesse. L'autre, il va dire, la main, c'est la récompense. L'autre, il va dire, la main, c'est la miséricorde. L'autre, il va dire, la main, c'est la science. Et comme ça. Naam, pourquoi je suis obligé de suivre ce que vous dites? Quand vous déformez, moi aussi je déforme. Et alors, tous les musulmans déformeront. Et chaque quartier aura quoi? Aura sa propre déformation du mot. Dans un quartier, la main d'Allah veut dire telle chose. Dans un autre quartier, elle veut dire autre chose. Dans un autre pays, elle veut dire autre chose. Et comme ça, d'après les quartiers, les pays, d'après les savants, d'après... Nas'Allah subhanahu wa ta'ala n'yahdiyana. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala en yahdiyana. Et enfin, tayyib, ils disent que on a une fatwa de l'Azhar. L'Azhar reconnaît que quoi? Que on est de Al-Sunnah ou Jama'a. Masha'Allah. L'Azhar reconnaît quoi? Reconnaît que on est de Al-Sunnah ou Jama'a. Tayyib, ce qu'a dit l'Azhar, ce qu'a dit l'Azhar sur les Habesh, et ce que disent les grands ulamas, je le laisse, inshallah ta'ala, pour le prochain dars. Ce qu'a dit l'Azhar et ce que disent les grands ulamas d'eux, et naam, vous allez voir yani, tous les crimes qu'ils ont fait, tout l'argent qu'ils ont volé, les gens qu'ils ont égarés, les fatwas qu'ils ont faites. Ils sont même photographiés dans les tribunaux. Ils ont tué les gens, volé de l'argent, escroqué. Déjà leur chef, ils ont un grand chef qui s'appelle il est mort, attendez, comment il s'appelle? Nizar Halabi. C'est le deuxième chef suprême après Abdullah al-Harari. Non, ils vivent au Liban. Ce deuxième dont je parle a été assassiné. Quand il est mort, on a trouvé des millions de dollars avec lui. Non, ceux qui ont fait les recherches ont trouvé que les millions de dollars venaient de trois endroits. Venaient de la Grande-Bretagne, des États-Unis et du Mossad, le Mossad des Juifs. Non, ce sont ces trois côtés qui donnaient tout cet argent. Non, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Mossad. Au point où des millions de dollars, au point où, jusqu'à présent, sa femme à lui et la grande association des Habesh sont dans les tribunaux. Dans les tribunaux. Pourquoi? Elle a dit, c'est l'argent de mon mari. C'est l'argent de mon mari. Il est mort, il a laissé des millions de dollars. Et eux, ils disent, non, c'est l'argent de l'association. C'est nous qui exhortions la Grande-Bretagne et le Mossad des Juifs et les Américains pour qu'ils nous versent cet argent pour déformer le dîn, etc. C'est à peu près comme vous connaissez le Qadianiya. Vous connaissez le Qadianiya et le Bahaïya, deux fausses religions, comme quoi, qui sont des musulmans. Ce sont les Anglais qui, en sortant de l'Inde, ont laissé et ont formé ce qu'on appelle le Qadianiya. Il y a même maintenant la télévision. Il y a même, comment ça s'appelle ça? Une chaîne spécialement Al Bahaïya, Al Qadianiya, Al Ahmadiyya, Al Ahmadiyya, les Coraniques. Tout cela, ils sont poussés par la Grande-Bretagne qui est connue, l'Angleterre qui est connue pour ça, qui a laissé et ils ont partout de grandes associations. Regardez-nous les salafis, regardez-nous les salafis. Si on voulait, vous qui m'entendez, si on voulait ouvrir une petite salle de prière, une petite salle de prière, quelqu'un va donner 2 euros, l'autre il va donner 5 euros, l'autre il va dire, attendez, je vais vendre un kamis, j'ai un deuxième kamis, je vais le vendre. La sœur, elle va dire, j'ai un djilbab, je vais le vendre. Et on ne pourra pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'Angleterre et les États-Unis et le Mossad qui nous versent chaque mois. Lui, quand il est mort, celui-là, on a trouvé des millions de dollars. Je dis bien des millions de dollars. Et l'association, jusqu'à nos jours, elle a des problèmes avec sa femme. Elle dit, cet argent, c'est notre argent. C'est nous qui demandions aux États-Unis de nous envoyer cet argent pour pouvoir propager le habachisme et contrer ce qu'ils appellent eux le wahhabite et contrer la salafia et la wahhabite. Donc cet argent revient à nous. Et elle dit non, ça c'est l'argent de mon mari, je le laisse chez moi, je le garde, c'est mon propre argent. Et ils sont jusqu'à de nos jours, ils sont dans les tribunaux, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Naam, je m'arrête inshallah ta'ala ici. Naam. Et je suis désolé de ne pas faire des questions-réponses parce que je suis à bout de souffle, comme on dit. Je suis, Inch'Allah ta'ala, fatigué. La prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, je continuerai en montrant que les Ahbesh, que l'Azhar, la faculté de l'Azhar, se désavoue des Habesh. Se désavoue des Habesh, et je vous lirai, Inch'Allah ta'ala, je vous lirai la fatwa de l'Azhar, bi'idhnillahi, subhanahu wa ta'ala, et le site aussi. Anti-Habash et le site aussi Anti-Habash. Barakallahu fikoum, jazakoum Allah khairan d'avoir assisté et hayyakoum Allah. Et n'oubliez pas que cette secte, est là avec nous, elle est là au Paltok, elle est là, elle a de l'argent, elle est payée, elle est payée pour égarer, pour nous contrer, pour nous jeter des bâtons dans les roues, ils mentent aux gens, même pour ils mentent, ils disent on est Abu Hanifa, on est Ash'ari, on est ceci. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a Allah Azzawajal. Nous, on a Allah Azzawajal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Eux, ils ont les États-Unis, le Mossad et l'Angleterre. Et nous, on a Allah Azzawajal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la compréhension des salaf, radiyallahu ta'ala anhum. Et on va voir, inshallah ta'ala, qui après demain, inshallah ta'ala, question-réponse spécialement.